pitié, messieurs les militaires. Oui, mon enfant, calmez votre effroi, nous ne sommes pas des cancers. Vraiment, vous n'êtes pas méchants. Nous ne sommes pas méchants. Mais quoi, vous n'êtes pas des brigands. Nous ne sommes pas des brigands, nous sommes de très bons enfants. Quelle surprenante aventure, comment êtes-vous seul ici? Je ne sais rien, je vous le jure. C'est bien ce qui m'étonne aussi. J'étais en pénitence, mes sœurs dans leur effroi ont dû s'enfuir, je pense, sans plus songer à moi. Aussi je tremble. Allons donc, et pourquoi à nous tous ayez confiance. Nous avons la tête légère, nous sommes gays sans façon, mais je vous le jure, vous avez affaire à de bons et braves garçons, à de bons et braves garçons. Sur votre front plus de nuages, rassurez-vous, jeune beauté, et comme il convient à votre âge, reprenez vite votre gaieté. Implique considérablement. Voyez-vous cette petite sourire, comme elle fait sans plus en rire. Puisque je suis seule en ces lieux, je vous y reçois et je veux, si vous le permettez, vous faire les honneurs de ce monastère. Faites-vous maintenir au poulailler? Faites-vous maintenir au poulailler? Il ne fait guère attention à moi. Je suis amoureuse d'un glaçon. Pardon, je vous l'ai toujours dit. Vous perdez votre temps avec le lieutenant. Tandis que moi... Vous n'êtes pas assez bel homme, mon cher. Oh, mais j'ai des talents d'agrément. D'abord, je suis tambour, et de plus tailleur de mon ancien état. Oh, tenez, Claudine, vous ne savez pas ce que c'est qu'un tailleur amoureux.